Les effluves marginales par Éric Arasim. Poésie réflexive. Quelque part, et tout de même, reste intact et par lui-même, nous touchons l'apparition du monde. Invisible chemin où tout finit et recommence par une conclusion des forces respectives en ces territoires hostiles absolus. Relisons le futur au-delà des phrases. Admirable tremblement du temps, une singularité préoccupante penchée sur mon épaule prend appui sur mes doutes inépuisables. Rompre de côté un instant et sentir en plein jour la paresse marginale qui vous fait écrire en ces mots retenus. Qu'advienne l'écriture accordée par le poids des choses, le rythme originel, faire le point de focale plutôt que de chercher une trajectoire infinie, sans intersection, insolente pensée du temps au cœur de l'argumentaire, caduque notion d'un relativisme consensuel, érotique. Elle psychiatrise ses plaies béantes par des torrents de paroles, des flots de certitudes. Monologue du rien convaincant, a ensoulé le praticien, le grand cervopathe, qui lui promet une écoute, juste pour elle, demi-sourire ironique, les yeux fermés à en user sa cervelle. Vertu des plaisirs contre la peur, sentence énigmatique à propos des âmes, mort des vivants, être là nécessairement, convaincu de jouir des périls extrêmes, des déluges engloutis. Nuit funeste sous la mer, l'Atlantide encombrée. L'illusion écoumène, accusée d'empiéter sur les limites permises, dans l'étroite intimité d'un cabinet d'armateur, ou du moins perdu sur l'océan ensablé par les uns, par les autres, et pire encore, subissant le désordre du monde ou les intentions rurales, si bien que ces dernières apparaissent dans les paysages d'herbacées, cactus désolés, volcans de barbarie, lamas en pleurs, seuls au milieu des rochers. Le nom de la montagne, sincèrement, nécessite d'être spécifié pour exister au milieu de nulle part. Vaste lointain sur aucune carte, sans sommet de la sorte, ni relief sournois, tueur parfois dans nos ascensions chancelantes, comme promises au hasard. Ici se terminent les effluves marginales par Éric Arasim. Enregistré par Christiane Jehan sous licence CC BY NC ND.